Chapitre 7e, 20 juin. Un hasard, est-ce bien le hasard qu'il faut dire, fait que nous nous rencontrons maintenant chaque jour aux alentours de l'ermitage. Ces rencontres fortuites sont charmantes. Tiens, vous voilà, mademoiselle. Comment, c'est encore vous, monsieur? Pendant que nous disons cela très gravement, Tom ébauche un sourire discret. Il n'est pas, Dieu me pardonne, jusqu'au petit cheval noir qui ne prête lui aussi un air fin, l'air d'une bête qui pourrait en dire long si elle voulait. Nous faisons des progrès dans la connaissance l'un de l'autre. Monsieur, m'a dit Claire l'autre jour, au moment où je m'embarquais dans une de ces grandes tirades passionnées qu'elle n'aime pas décidément et que par malheur j'ai toujours au bout de la langue, monsieur, vous vous donnez à moi, c'est fort bien. Remarquez seulement que toute donation suppose un inventaire. Or, je ne sais pas encore juste ce que vous m'offrez en vous offrant. Et depuis lors, elle m'expertise. Nous nous expertisons, veux-je dire, car il faut, pour lui plaire, que je prenne des airs d'homme sérieux, qui ne fait pas les choses à la légère. Merveilleuse puissance de l'atavisme. Elle aussi procède par ordre. Oh, la vilaine petite! Quel beau chant d'amour je lui chanterais si elle voulait, mais elle ne veut pas. Ah, comme je me rattraperai plus tard si l'enquête s'achève et m'est favorable. 21 juin. Elle m'a dit aujourd'hui: « Si je vous disais que je vous adore, vous ne me croiriez pas. Vous avez eu le temps de m'étudier suffisamment, j'imagine, pour savoir qu'à l'exception du cheval, du théâtre, du monde et de mes parents, bien entendu, je n'aime rien qu'avec mesure. Si tous vos sentiments sont excessifs, ce qui est d'ailleurs votre principal défaut à mes yeux, presque tous les miens sont modérés. Je suis ainsi faite, et je n'ai nulle envie de changer, je vous en préviens. » Mais, de ce que je possède cet heureux équilibre qui vous manque, à mon grand regret, il ne s'ensuit pas que je sois incapable d'éprouver pour quelqu'un qui aurait su me plaire une véritable affection. Or, je puis bien vous dire que vous êtes fort éloigné de me déplaire. Si même vous voulez que je sois tout à fait franche, et vous n'ignorez pas qu'il est dans ma nature de l'être, j'avouerai que cette sympathie dont je me suis senti prise assez rapidement, ma foi, pour votre personne, me déconcerte absolument. Il y a là quelque chose que je ne m'explique point, et cela m'agace. Car je ne suis pas pour rien la fille de mon père, et comme lui, j'aime à me rendre compte. À l'heure qu'il est, je n'ai pas pu parvenir encore à comprendre d'où me vient que l'idée de vous avoir peut-être un jour pour mari me semble en somme tolérable. Car il faut bien voir les choses comme elles sont. Nous avons deux natures foncièrement dissemblables, et pourtant, je le répète, vous ne me déplaisez pas. Pourquoi? Mystère. Il y a sans doute entre nous quelque affinité qui m'échappe, et que je finirai par découvrir, car je veux à toute force en avoir le cœur net. Au surplus, il est absurde, n'est-ce pas, de prétendre à lutter contre les faits. Papa, qui est plein de considération pour eux, me le dit à tout bout de champ. C'est déjà un fait que vous ne me déplaisez pas. Tâchez que ce soit un fait que je vous aime. Je ne demande pas mieux, moi. Arrangez-vous. J'admire la rigueur de la méthode scientifique appliquée par Claire aux choses du sentiment. Et je vais lire un peu de Musset pour me réchauffer, car cette douche de froide sagesse m'a glacé. 22 juin. Claire doit être terrible dans les magasins de nouveautés. Je me fais l'effet d'un objet d'étalage, un modeste objet du bon marché, manié, remanié, palpé, retourné, remué par une cliente soupçonneuse et difficile à satisfaire. Est-ce solide? Est-ce bon teint? Cela fera-t-il de l'usage? Eh oui, je suis solide et bon teint. Prenez, mademoiselle, et vous verrez. Vaine supplique. Elle ne se décide toujours pas, et je reste sur la sellette. J'ai cru d'abord que c'était par indécision naturelle. Je l'ai même, à ce propos, gratifiée d'un assez gentil petit surnom, Miss Ni Oui Ni Non, dont elle a bien voulu rire quand je le lui ai fait connaître, mais je me trompais. Elle sait fort bien ce qu'elle veut. Seulement, comment exprimer cela? Elle a l'âme un peu commerçante. Un instinct de méfiance est dans son sang. La peur d'être dupée hante le rejeton de l'ingénieur et de la femme forte à la bourse. Le mariage, hélas, étant à ses yeux surtout une affaire, elle tient à savoir exactement ce qu'elle recevra en échange de ce qu'elle donne. Il me semble parfois que j'aperçois entre ses mains une balance invisible. D'un côté sa dot, dont j'ai d'ailleurs oublié de chercher à savoir le chiffre, la fortune de son père qui doit être fort grosse, mais sur laquelle j'ai seulement des idées vagues. Enfin, sa petite personne, qu'elle ne laisse pas, je pense, de côté un assez haut prix, encore qu'il soit certainement inférieur à celui que je lui attribue. De l'autre, mon nom, ce titre de baron, que je n'ai point l'habitude de porter, nos relations, certaines parentés dont je n'aurais jamais eu pour mon compte la pensée de tirer vanité, et qui ne forment pas moins, je le vois bien maintenant, le plus clair de mon actif. Enfin, dans un autre ordre, la fameuse affinité dont elle me parlait hier. L'équilibre parviendra-t-il à s'établir entre les deux plateaux de la balance? Ou bien le mien sera-t-il en définitive jugé trop léger? Le pauvre mien, qui semblerait moins vide si j'y pouvais jeter mon amour, comme Brennus son épée. Mon amour. Elle me dirait que c'est un faux poids, sans doute, que je la vole. Et Mademoiselle Claire examine, compare, pèse, et elle pèsera, comparera, examinera jusqu'au jour où il lui sera démontré qu'elle peut, tout bien peser, conclure avec moi, sans faire, en somme, un trop mauvais marché. 2 juin. Je lui ai demandé nettement aujourd'hui s'il avait l'intention de me tenir longtemps encore en suspens. « Le temps qu'il faudra, » m'a-t-elle dit, « pour savoir ce que je fais en vous donnant ou en vous refusant ma main. » J'étais arrivé à notre rendez-vous, qui n'est pas un rendez-vous d'ailleurs, puisque la fiction que le hasard seul nous ménage ces entrevues quotidiennes subsiste entre nous. J'étais arrivé d'assez méchante humeur. Je me suis répandu en plainte vive dont elle a ri. Alors la colère m'a pris. Certain homme violent qui sommeille en moi a fait pour la première fois son apparition devant elle. Et quelle apparition! Je me suis emporté. Je l'accusais de jouer avec moi un jeu perfide et cruel de coquetterie. L'aveugle instinct qui m'entraîne quelquefois à des paroles et à des actes où je ne me reconnais plus moi-même me dominait à ce point que j'ai de fureur cassé contre un arbre la canne que j'avais à la main. « Décidément, monsieur, » m'a dit Claire avec le plus grand sang-froid, « il y a en vous un fond de gentilhomme fermier, plus fermier d'ailleurs que gentilhomme, dont vous aurez peine à vous défaire. » Le son de cette voix tranquille, légèrement ironique, a calmé mon stupide dépit, et j'ai senti soudain, avec toute la vivacité d'impression qui est en moi, la brutalité de ma conduite. Je crois, Dieu me pardonne, que des larmes de honte ont gonflé mes paupières. Je me confondais en protestations de regret et en excuses. Elle a mis la main sur mon épaule, et avec un sourire qui n'avait plus rien de railleur, mais où j'ai cru entrevoir je ne sais quoi d'ému, elle m'a dit « Allons, c'est bon, ne vous désolez pas, grand fou, et achetez une autre canne, d'un peu moins mauvais goût que celle-là, si ça ne vous fait rien. » Je me suis emparé de sa main, de sa chère petite main fine et nerveuse qu'elle m'a abandonnée, et j'ai senti, oui, je suis sûr d'avoir senti que ses doigts ont un peu tremblé au contact furtif de mes lèvres. Quand je me suis redressé, elle était toute pâle. Le bleu de ses yeux m'a paru plus sombre. Jamais je n'ai rencontré encore un regard aussi profond que celui dont elle m'enveloppa. Et si je n'ai pas sommeil ce soir, si je vais et viens dans ma chambre, s'il ne m'est plus même possible d'écrire, c'est que je suis hanté par ce regard. C'est que j'ai toujours devant moi deux yeux insondables, au fond desquels, comme une pâle et lointaine clarté d'aurore dans la nuit, j'ai vu passer quelque chose que j'hésite à nommer, quelque chose qui doit être l'amour. 24 juin. Je la quitte. Elle m'a dit, « Comprenez-moi donc bien, mon ami. Je ne suis pas une petite fille qu'on fait se pâmer en lui disant qu'on l'adore. Je vous répète pour la centième fois que je ne suis point sentimental. Est-ce la faute de ma nature ou celle de mon éducation? Peu importe. Ni sentimentale, ni naïve. Je n'ignore point que le mariage est notre carrière, à nous autres femmes, et j'ai fait de cette carrière à laquelle je me savais destiné l'objet d'un tel nombre de méditations préparatoires que si je vous en communiquais seulement la dixième partie, vous auriez de quoi écrire un livre, dont la lecture, entre parenthèses, serait passablement utile à mes pareils. De ce qui concerne mon état futur, à savoir le mariage, je n'ignore rien. C'est l'opinion de papa que les jeunes filles doivent être instruites d'une foule de choses qu'on s'applique d'ordinaire à leur cacher, de choses qui ne sont point du tout immorales, comme on a la bêtise de le dire, puisqu'elles sont naturelles. et papa m'a élevé conformément à cette opinion qui vous scandalise sans doute et que je trouve, moi, parfaitement sage. Il n'est donc pas un seul des aspects divers du mariage qui m'échappe. J'ai mon idée sur tout, sur la question du contrat, sur la question des enfants, même sur la séparation de corps et le divorce. Mes compliments, mademoiselle. Moi qui pourtant ai fait mon droit, je n'ai jamais, l'avouerai-je, songé beaucoup à tout cela. Naturellement, a-t-elle répliqué, vous vivez dans les nuages. Quant à moi, vous le voyez, je ne ressemble pas du tout à ces pauvrettes qu'on jette au nez d'un monsieur quelconque et qui entrent en ménage sans autre programme que l'intention louable d'aimer leur mari parce qu'on ne peut pas ne pas aimer son mari, de lui donner autant d'enfants qu'il en voudra, parce que cela se fait ainsi dans les bonnes familles, et de soigner son pot-au-feu, parce que le pot-au-feu est le fondement même de l'affection conjugale. Je rêve d'autre chose, d'un peu moins terre-à-terre. Le mariage m'apparaît comme une sorte de camaraderie supérieure, ayant pour but la satisfaction des intérêts et des ambitions de deux contractants, qui s'allient étroitement afin de se faire une plus belle et plus large place dans la vie. Voilà, ai-je dit, une théorie assez originale. Elle a repris tranquillement. Cette conception du mariage vous indigne, n'est-ce pas? L'élément de sensiblerie qui vous est cher y manque, en effet. Réfléchissez pourtant, et vous verrez que mon idéal n'est point mesquin, qu'il ne laisse pas d'y voir une certaine grandeur dans cette collaboration active, persévérante, dévouée, de deux êtres d'élite, qui se sont choisis librement et qui, pris du désir de monter très haut, lequel n'est point vulgaire, s'associent, mettent en commun leurs apports respectifs de notoriété, d'énergie, d'intelligence, de fortune, de talent, d'esprit, de beauté, fendent hardiment la foule et viennent s'asseoir par droit de conquête en pleine lumière, au premier rang de la société, là où sont les illustres, les puissants, tous ceux enfin qu'on admire, qu'on envie, et dont j'ai décidé d'être un jour, moi qui vous parle. Qu'en dites-vous? Je n'en dis rien, je vous écoute. Écoutez-moi donc encore, car je n'ai point fini. Et puisque nous sommes sur ce chapitre, mieux vaut que j'aille jusqu'au bout. Je ne veux point d'un homme qui n'ait pour tout mérite que celui de savoir assez bien jouer les airs de guitare dont vous me régalez depuis un mois. Le compagnon qu'il me faut, ce n'est pas un rêveur, un poète habitant je ne sais quel monde chimérique où je ne vais pas. C'est un mari qui ait de la volonté, l'esprit ferme, le sens du réel, un mari pour de bon, enfin. Or, qu'avez-vous fait jusqu'à présent pour déterminer mon choix? Vous vous êtes manifesté à moi d'abord sous l'aspect d'un jeune homme qui tourne gentiment les déclarations, mais qui, comme les pianistes ou les ténors de société, abuse un peu de son art d'agrément. Hier, vous m'êtes apparu sous les dehors peu engageant d'une manière de sauvage, qui passe ses fureurs à grands coups de canne sur les arbres. Procédé fait pour donner certaines inquiétudes aux épaules de la femme que l'on veut épouser. Vous êtes, lui ai-je dit, peu généreuse d'évoquer un souvenir aussi pénible pour moi. Ah, quel enfant, mon Dieu, quel enfant! S'est-elle écriée. Mais je ne vous en veux pas! Faut-il que je vous dise tout? Eh bien, prenez donc, monsieur, que la colère ne vous va pas mal. Vous avez le teint trop frais. Un petit mouvement de rage, comme celui-là, vous donne juste le degré de pâleur qu'il faudrait pour que vous fussiez tout à fait bien. Êtes-vous content maintenant? Il me semble que c'est presque une déclaration que je vous fais. Elle souriait doucement et me regardait, non pas de son mauvais regard clair et froid, mais de l'autre, de celui qui me semble une caresse, que ses yeux font au mien. De nouveau, j'ai pris sa petite main, et j'ai senti que toute mon âme, tout ce bel amour dont elle me défend, la vilaine, de lui parler, passait dans le baiser que j'ai mis sur ses doigts.